514e étage. Tout flotte. Et sous les écorchures des genoux se cachent tous les trésors. Sous les écorchures des genoux, les bras en croix, une fraction de seconde. Le corps dans l'océan, le corps dans l'océan. Les bras en croix, une fraction de seconde. Le corps dans l'océan, le corps dans l'océan. Son corps ne s'y arrête.